La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. 18e, troisième. Donc cette fois, c'est au tour de Patrick de lire le petit extrait. Je commence ? Oui, vas-y. Bon, alors, c'est un peu le petit extrait que je vous ai envoyé. Vous l'avez peut-être, vous le savez peut-être déjà tous par cœur. Donc je vais le lire. Il y a, vous le savez, les fameuses trois vertus dites justement théologales. Ici, on les voit se présenter aux murailles exactement partout sous la forme de femmes plantureuses. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'après ça, à les traiter de symptômes, on ne force pas la note, parce que définir le symptôme comme je l'ai fait à partir du réel, c'est dire que les femmes l'expriment aussi très très bien, le réel, puisque justement, j'insiste sur ce que les femmes ne sont pas toutes. Alors là-dessus, l'espérance, non, la foi, l'espérance et la charité. Si je les signifie de la foire, du l'esper ogne, la chate ogni speranza, c'est un métamorphène comme un autre. Puisque tout à l'heure vous m'avez passé ourdrome, je l'ai dénommé de ça, et de finir par le ratage type, à savoir l'archiraté, il me semble que c'est une incidence plus effective pour le symptôme de ces trois formes. Ça me paraît plus pertinent que ce qui, au moment où on se met à rationaliser enfin tout, se formule par exemple comme ces trois questions de Kant avec lesquelles j'ai eu à me dépêtrer à la télévision, à savoir « Que puis-je savoir ? Que m'est-il permis d'espérer ? C'est vraiment le comble. Et que dois-je faire ? C'est quand même très curieux qu'on en soit encore là. » Non pas bien sûr que je considère que la foi, l'espérance et la charité soient les premiers symptômes à mettre sur la sellette. Ce n'est pas des mauvais symptômes, mais enfin, ça entretient tout à fait bien la névrose universelle, enfin. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choses n'aillent pas trop mal, et qu'on soit tous soumis au principe de réalité, c'est-à-dire au fantasme. Mais enfin, quand même, l'Église est là qui veille, et une rationalisation délirante comme celle de Kant, c'est quand même ce qu'elle tamponne. Donc vous voyez que là, il y va fort, hein. Alors, je vais simplement dire de... Je vais vous tracer, peut-être pas immédiatement, tracer quelques repères que l'on pourra reprendre peut-être dans la discussion, et puis après on fera comme d'habitude. Mais là, tu voulais intervenir, c'est ça ? Ah non, si non tu veux bon. Y aller, vas-y. Alors, je vais vous dire des choses pour étoffer un peu cette citation et comprendre pourquoi c'est pris comme ça. D'abord, il faut partir de Saint-Augustin. Saint Augustin qui est né en... Alors j'ai quand même pris des repères bibliographiques parce que je ne suis pas spécialiste. Qui est né Augustin d'Hippone, qui est né en 354 et qui est mort en 430 à Hippone justement, qui est une province d'Afrique et d'Algérie tout spécialement. Philosophe, chrétien et théologien. Donc un des pères de l'Église. Alors, la première chose qu'il fait, ça je le relève d'un cours auquel j'ai assisté, de Jacques Lebrun, qui avait fait un cours d'histoire du catholicisme en 88-89, où il dit que Saint Augustin est le premier, dans notre tradition, en tout cas occidentale et française, chrétienne surtout, le terme de jouissance. Et il fait une distinction entre un amour qui est réservé à Dieu, un amour qui jouit d'une certaine façon, qui jouit de son objet, c'est-à-dire Dieu, qu'il appelle le fruit, et un amour qui utilise son objet pour jouir, qu'il dénomme comme mode de jouissance uti. Hein. Ça veut dire que c'est maintenant de là que vient le terme de usufruit dans notre juridiction, dans nos lois. L'usufruit, c'est une. Vous êtes autorisé à jouir d'un bien, mais vous n'avez pas le droit de le détruire. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est une base juridique chez nous. Alors, il oppose justement à ce propos-là cet amour en Dieu qu'il appelle caritas, lui, et un autre amour, celui qui jouit de l'objet, qui se sert de l'objet, qui se sert de l'objet pour jouir, comme peuvent le faire actuellement d'ailleurs les djihadistes d'une certaine façon, hein, c'est-à-dire qu'il appelle ce terme-là, il l'appelle cupiditas. Et le cupiditas vient justement connoter d'une certaine façon le désir sexuel. Hein. Donc en utilisant Dieu à sa façon. Hein. D'une certaine façon, donc on voit bien comment déjà saint Augustin distingue une bonne jouissance, celle qui est le fruit de jouir en Dieu, et la mauvaise jouissance qui est de jouir de l'objet, de se servir de l'objet, donc d'instrumenter Dieu d'une certaine façon. Et au fond, aussi bien chez Lacan que chez Freud, même s'ils ne reprennent pas les catégories de saint Augustin, ils distinguent tous les deux un mode de jouissance mauvaise. Freud va très loin, puisqu'il peut dire que la jouissance est un mal parce qu'elle comporte le mal du sujet. C'est donc la jouissance incestueuse et une jouissance qui serait une jouissance satisfaisante pour le sujet. Celle dont on parlait à propos de retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue. Donc qui est une des visées de la psychanalyse. Hein. Alors, ça c'est le premier point. Je reprendrai un second point tout à l'heure à propos justement d'un débat sur le caractère ou la définition du Dieu trine, hein, le Dieu chrétien en trois dieux, qui n'est pas quelque chose de facile, qui a été élaboré au cours des siècles. Et puis, je prendrai aussi un petit peu plus tard la façon dont Lacan répond de son point de vue de psychanalyste, moi j'ai adopté ça pour moi aussi, comment il répond aux trois questions de Kant, et il faudrait peut-être évidemment savoir comment lui, Kant, y répond lui-même. Moi je ne suis pas assez calé en philosophie pour en parler vraiment, mais tu pourrais peut-être en dire quelques mots, savoir comment répond Kant à ces questions, parce que je suis très surpris, j'ai ma petite réponse bien sûr, quand Lacan dit que que peut-on espérer de Kant comme étant une rationalisation délirante et que l'Église tamponne. Donc c'est un point qu'il faut peut-être un peu éclairer, et, hein, voilà les points que je prendrai, et puis on discutera au fur et à mesure. Voilà, ben. Alors juste pour revenir un peu sur la caritas, donc c'est agapé en grec, c'est une des trois occurrences de l'amour. Comme vous le savez, il y a eros, qui est un amour, disons, à connotation sensuelle. Il y a la philia, qui est l'amitié, un amour dans lequel il n'y a pas forcément consommation sensuelle. Et l'agapé, qui est l'amour politique, on va dire. C'est l'amour du prochain, c'est-à-dire c'est une certaine manière, en se situant justement par rapport à une position métaphysique avec les dieux, de voir comment on traite son prochain. C'est-à-dire la manière de croire les dieux, pour les Grecs, c'était de voir comment on traite son prochain, c'est-à-dire avec quelle qualité on peut traiter ses prochains. Philia, c'est l'amitié, non ? Philia, c'est l'amitié, oui. Donc, là, on est aussi sur une structure trinaire, chez les Grecs, trinitaire. Et pour reprendre donc le contexte aussi de ce petit passage de la troisième, c'est que la dernière fois, on a essayé de traiter ensemble, donc il n'y a pas de rapport sexuel, d'essayer d'éclairer sous diverses formes cette parole qui peut paraître assez énigmatique de Lacan. Et en l'occurrence, le troisième de nous trois, c'est-à-dire Isidore Ducamp, pour les Facebookiens, vous a dit, vous avez parlé du rapport sexuel tout le temps la dernière fois, et vous n'avez pas abordé le terme de fantasme. Donc, si vous dites qu'il y a tout dans la troisième, il doit y avoir le terme de fantasme. Voilà. Et donc, il l'a trouvé, effectivement, c'est-à-dire au fantasme qu'il assimile le principe de réalité. Donc, effectivement, pour faire peut-être un lien avec la dernière fois, le fantasme, c'est l'élément clé avec le symptôme dont il est indissociable de la possibilité de penser la cure analytique. Parce que, justement, aujourd'hui, nous sommes le 19 avril. Il faut savoir que quand Lacan est interrogé à Rome, je crois que c'est toi qui m'as raconté ça, il y avait une grève quelque part, et ça, il appelle ça un symptôme, c'est-à-dire quelque chose qui vient du réel, qui vient perturber la bonne marche des choses à Rome, une grève par exemple des trains. La grève est le symptôme d'une éruption du réel. Voilà. Le réel ne marche plus, ça fait un symptôme, c'est la grève. Voilà. Et il y a, donc en 1912, je crois que c'est, entre le 14 et 15 avril, c'est le naufrage du Titanic. Donc il y a un peu plus de 100 ans, 103 ans. Et ça, on peut dire que c'est le symptôme de notre civilisation, le symptôme majeur. C'est pour ça qu'il y a autant de fascination autour de ce symptôme-là, parce que il y avait à l'époque, dans ce que les Allemands appellent Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps, il faut savoir que en 1898 sort un roman anglais avec très précisément l'histoire du Titanic, qui est raconté sur un mode romancé, donc le même genre de paquebot, avec trois hélices, le même tonnage, etc. Et pour couronner le tout, l'auteur l'appelle Titan. Donc, quelque part, déjà inscrit dans le symbolique, quelque chose va venir du réel pour confirmer qu'il y avait une place déjà prévue dans le symbolique pour cet événement-là. Donc là, on a un rapport entre le symbolique et le réel qui est absolument stupéfiant et qui caractérise la notion de symptôme au sens le plus large. Ça, c'est un des aspects du symptôme, c'est-à-dire qu'il correspond en fait, en tant que formation signifiante, à un nœud signifiant adressé à l'autre. Mais c'est un autre qui est encore non barré, c'est-à-dire quelque chose qui attend sa verbalisation, sa signification, sa symbolisation. C'est la première manière d'envisager le symptôme comme un message adressé à l'autre. C'est comme ça d'ailleurs que dans les premiers temps, Lacan envisage le symptôme, Freud aussi d'ailleurs, c'est-à-dire que le symptôme est là et raconte, dit quelque chose de la vérité du sujet qu'il s'agit d'interpréter, l'interprétation étant censée venir à bout du symptôme. Après, évidemment, les choses se compliquent. C'est-à-dire que le symptôme régresse, mais pas totalement. C'est-à-dire que quelque chose résiste au symptôme, parce que là se découvre un nœud de jouissance. Donc, c'est là où on aborde le problème du fantasme. C'est-à-dire, dans un premier temps, la cure analytique va essayer de permettre l'interprétation du symptôme jusqu'à ce que se révèle le point de blocage, de résolution intégrale du symptôme, parce que le fantasme qui est là pour bloquer le trou du grand autre, le fait de ne pas pouvoir accéder à quelque chose, va générer un plus de jouissance chez le sujet. C'est la fameuse phrase de Freud, quand il s'aperçoit qu'en disant ce qui se passe, quand l'homme oral lui raconte ce qui se passe, il lit dans les propos même de l'homme aura une jouissance par lui-même ignorée. Donc là, on commence à placer le rapport entre symptôme et fantasme. Parce qu'évidemment, l'autre côté du symptôme, c'est effectivement la jouissance qu'il génère. Cette jouissance, on peut la voir aujourd'hui dans la manière dont on peut voir le Titanic. C'est-à-dire qu'il y a une forme de fascination. Celui qui a fait le film, James Cameron, là, quand il est descendu, ils avaient l'impression de pénétrer un lieu sacré. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'une mystique supérieure, parce que ce qui se donnait à voir, là, c'était vraiment une jouissance à l'état pur. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre de ces torures, ces ponts magnifiques, etc., qui étaient engloutis sous l'eau. C'est à la fois ce côté fascinant et absolument répugnant que peut avoir une jouissance. Et alors, on s'imagine que si on extrayait ça de l'eau, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le sort pas de l'eau, hein. C'est correct. Maintenant, il y aurait les moyens techniques de sortir de l'eau. Mais ça fait comme la fascination que peut faire éprouver une pieuvre ou un poulpe dans son élément naturel. Et dès qu'on le sort de là, ça se présente comme une espèce de masse informe, répugnante. Quelque chose, une pure palpitation de vie, sans aucun sens. Et donc, on a ces deux aspects de la jouissance. Enfin, la jouissance du symptôme et l'inscription dans le symbolique. Parce que... ça, c'est juste pour mettre un peu en scène la notion de symptôme par rapport au fantasme, parce que là, on est dans une clé justement pour comprendre l'impasse de la philosophie et l'impasse de Kant, justement, qui est relevé par Lacan. Mais c'est pas, moi, je ne le prends pas comme un dénigrement de Kant. Hein. Je pense qu'au contraire... Non, délirant, c'est pas... Voilà. Il s'en tient à d'abord comme une référence, hein, puisque dans tous ses écrits... l'œuvre de Kant l'a beaucoup aidé, comme celle de Hegel, et ensuite il pointe là où justement, dans le rapport à la chose, parce que c'est lui quand même qui, après le cogito de Descartes, va lire le sujet cartésien d'une certaine manière, qui va permettre son déploiement par Hegel, et ensuite ce que va en faire Lacan. Donc il n'y a pas vraiment de discrédit, c'est juste qu'il pointe là où est l'impasse. Entre fantasme et symptôme, ce qui va nous permettre d'éclairer beaucoup de choses. On va reprendre justement pour répondre à Isidore Duncan, puisqu'on avait parlé de il n'y a pas de rapport sexuel, et que le fantasme, il vient justement en place du rapport sexuel. Il vient le couvrir, il vient c'est une relative tentative de l'articuler d'une certaine façon. Et alors vous voyez sur le schéma des discours qui est ici, le seul discours où le fantasme est en acte, c'est le discours de l'analyste. Vous voyez, c'est le seul discours où le fantasme s'articule. Dans les autres discours, il est toujours dissocié. Hein, vous voyez bien, regardez bien, nulle part ailleurs, en dehors du discours analytique, il y a une articulation Quand Patrick dit articulation, ça veut dire que le A et le S barré sont reliés par une interaction. Oui, il y a une liaison logique, mais voilà. Un impossible en même temps. Mmh. Il y a des impossibles du réel. Alors vous voyez, c'est très important, parce que c'est le seul discours, justement, discours analytique, discours lien social à deux, où il y a un lien de cet ordre-là qui vient tenter de répondre à cette histoire, tout en tenant compte de il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel, ça ne doit pas empêcher tout, mais il faut apprendre à s'en servir pour pouvoir s'en passer. Alors que partout ailleurs, on l'évacue et que donc, on met du tout partout. C'est ça que ça veut dire. C'est là que se fait la distinction. Je vais reprendre un autre point pour le symptôme et le fantasme. C'est là qu'on fait la distinction, justement, on va le développer tout à l'heure, entre ce que Lacan désigne du savoir et de la connaissance. On verra. Alors, sur le rapport du symptôme au fantasme, il faut quand même voir que ça a toute une histoire très compliquée chez Lacan. Et on a notre schéma, voilà. Disons qu'au départ de son enseignement, donc mais en 58, Lacan va situer le fantasme ici, et il est avant le symptôme qui est situé ici. Autrement dit, à cette époque-là, il fait du fantasme la cause du symptôme. C'est ce que disait Freud à propos du traumatisme ou de la séduction de la petite fille par le père. Donc il y a eu une séduction, Et c'est comme ça qu'elle fomente un fantasme, ou le fantasme traduit cette séduction réelle du père. Évidemment, Freud, il est revenu dessus, il dit c'est pas possible, tous les pères ne font pas ça avec leurs filles. Il y en a qui le font, beaucoup plus qu'on le croit d'ailleurs, mais enfin, c'est pas tous les pères. Et donc, il a renoncé à ce qu'on appelait à l'époque, à sa théorie du trauma, en 1900, très tôt, sa neurotica, et il a dit non, au départ, il y a un fantasme. C'est le fameux fantasme d'une agression sexuelle qui se traduit en un symptôme, par exemple, pour la petite fille en général, de dégoût, par exemple, symptôme hystérique majeur. Mais Lacan va bouger dans cette histoire. Le symptôme, il le situe ici comme une signification de l'autre. Mais quand il va avoir articulé toute cette série, non seulement ce graphe, mais tout ce qui va venir par la suite, il va faire baisser d'un cran le symptôme. Le symptôme qui était là, écrit symptôme, il va le faire... Alors, il ne remonte pas là, vous voyez, c'est régrédient, puisque la courbe d'intentionnalité va dans ce sens-là. Hein. Eh bien, il va le loger ici, le symptôme. Et du coup, il va faire du symptôme originaire, c'est-à-dire le nœud premier du réel du corps avec l'incorporation de la langue, il va le situer d'abord dans une antériorité logique par rapport au fantasme. C'est le symptôme qui est la cause du fantasme. Et on comprend pourquoi dans la cure, la visée c'est d'arriver à disjoindre d'une certaine façon le fantasme, à écarter le truc, à séparer le sujet du signifiant, ça s'appelle l'être signifiant du sujet, de ce qu'il est comme objet, qui est son être de jouissance, pour pouvoir accéder au symptôme comme étant un réel qu'on ne peut jamais, bien entendu, faire bouger, c'est fini, c'est une fixation définitive, c'est un mode de jouissance spécifique de chacun, comme le dit Lacan, qui tourne au stéréotype, et justement, la cure introduit cette notion, qui est d'ailleurs, tu en as parlé ailleurs, tu as écrit des trucs là-dessus, qui est très paradoxale, parce que terminer, alors qu'on pensait qu'avec une cure, on se débarrassait définitivement des choses, il s'agit d'une identification aux symptômes. Donc, une identification, ça veut dire un collage, ça veut dire au moins une fixation. Mais toujours avec la même procédure qui consiste à, il faut apprendre à s'en servir pour pouvoir s'en passer. C'est comme ça qu'il va montrer comment Joyce, justement, sait manier son symptôme pour faire autre chose que de rester collé dedans. Hein, c'est ses fameuses écritures. Voilà, vous voyez l'inversion qui s'est produite. D'abord, fantasme cause du symptôme, alors qu'au fond, non, c'est le symptôme qui est la cause du fantasme. Ça aura des conséquences. Bon, voilà, je te laisse là-dessus. Hein. Donc, le passage du symptôme au symptôme, c'est-à-dire que c'est en ça où le symptôme, c'est comme une tentative de résoudre le problème par le fait de coller les deux, c'est-à-dire symptôme, c'est comme symptôme plus fantasme, c'est-à-dire que c'est une manifestation signifiante, mais la dernière possible, sans lequel le sujet n'est plus rien. C'est en ça qu'il réclame une identification, parce que c'est le dernier point le plus lointain dans lequel on puisse aller. Si ça disparaît, il n'y a plus rien. C'est-à-dire la seule chose qui peut venir à la place, c'est rien. Donc ça veut dire un autisme psychotique absolu, plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de support pour le sujet. Donc effectivement, le fait de savoir y faire avec son symptôme demande de... Alors, les mots qui sont souvent porteurs de tas d'imaginaire, c'est traverser du fantasme, identification au symptôme. Bon, alors là, la traversée du fantasme, c'est un apax. C'est-à-dire que quand... l'analysant en arrive à ce stade-là où il peut... Alors déjà pour différencier, d'abord je voudrais différencier la manière dont se présente le symptôme et le fantasme, puisqu'on va les coller les deux avec l'histoire du symptôme. Donc le symptôme se présente comme un nœud de manifestation signifiante qui est là et demande à être interprété par un autre non barré. Donc c'est quelque chose qui est progrédient, qui va vers l'analysant, notamment, vers l'analyste. L'analysant propose son symptôme à l'analyse pour entendre quelque chose de son symptôme. Le fantasme, c'est une manifestation signifiante aussi, c'est un scénario. C'est le scénario qui permet, en fait, dans le scénario, le rapport sexuel a lieu. Le fantasme, c'est le scénario qui met en scène la possibilité du rapport sexuel. Donc, le fantasme, lui-même, il répond à la question « qui je suis pour l'autre en tant qu'objet ?» Donc, le fantasme, c'est une manifestation signifiante, un nœud signifiant, mais qui est inerte, qui n'est pas interprétable. C'est justement pour ça que tonton Hannibal demande à ce que l'analysant vienne apporter, par le travail d'interprétation, son fantasme pour être dévoré. Donc il parle, Lacan, mange ton Dasein, c'est ça que ça veut dire. Donc l'identification au symptôme final, pour en avoir une représentation, parce que tout ça peut paraître assez abstrait, donc il y a deux œuvres assez connues quand même, qui permettent de voir ça. Je mettrai une petite note après, moi aussi. Vas-y. C'est le médecin de campagne de Kafka, où il est et le Parsifal de Wagner. Alors, je commence parce que le plus connu, c'est quand même le Parsifal de Wagner. En principe, tout le monde connaît ça. Donc, Amfortas souffre d'une blessure inguérissable. Et en fait, il ne peut pas sacrifier au rituel du Graal que son père Tintorel lui ordonne. Donc, la voix de Tintorel, qui est un baryton, vient dire « Amfortas, où tu en es avec ton protocole du Graal, et il ne peut pas parce qu'il a cette blessure là dans le film de parce que dans l'opéra c'est quelque chose de très complexe, hein, ce Parsifal là, la blessure de Parsifal, on peut dire que c'est son symptôme, c'est-à-dire qu'il sait que il nourrit ça d'une certaine manière. C'est pour ça que Cyberberg, dans le film qu'il fait sur Parsifal, il extrait la blessure. Donc après, je vais parler du médecin de campagne de Kafka, la blessure qu'il décrit. Donc il décrit une blessure sur un jeune qui demande au prêtre de le laisser mourir, parce que c'est cette blessure qui l'empêche de mourir. Donc là, on est vraiment dans la notion de symptôme. C'est-à-dire que le symptôme, c'est cette manifestation signifiante sans quoi le sujet n'a plus aucun support. C'est le dernier support possible du sujet, c'est-à-dire une matérialité, mais une matérialité qui passe par une motérialité, c'est-à-dire que c'est quand même une manifestation signifiante. On n'est pas dans le corps à proprement parler, c'est-à-dire dans l'être, puisque l'être, on n'y accède jamais. C'est juste le protocole fantasmatique et cette identification-là qui permet de s'identifier à une manifestation signifiante qui est notre propre symptôme avec lequel nous avons affaire. Voilà, sans quoi on n'a plus de support, on est mort. Voilà. Ou complètement psychotique, c'est-à-dire sans plus aucun univers symbolique auquel se référer. Alors, j'ai envie de dire comment, par exemple, Freud traite cette question du fantasme fondamental dans son exemple majeur qui est ce fameux fantasme. Il l'obtient dans des cures d'adultes, d'ailleurs, aussi bien de femmes que d'hommes. Ce sont des sujets qui ont le... Ils se masturbent, ils sont pris dans un symptôme de masturbation, et ils alimentent, disons, l'excitabilité de leur fantasme, de cette masturbation. À partir du fantasme, un enfant est battu. Voilà, premier temps, c'est ce qui est découvert dans la cure. Et alors, bien entendu, vous voyez que c'est un fantasme complètement désubjectivé. On ne sait pas quel est l'enfant qui est battu et quel est l'agent batteur, bien sûr. Et ça n'a pas besoin d'être alimenté par des scènes réelles, puisque justement, de tels sujets sont dégoûtés lorsqu'ils assistent à des scènes comme ça, à l'école ou à droite à gauche. Hein. Donc ce n'est pas ça qui est en jeu. Et dans la cure... Ça, c'est très important, parce que tout ce que dit Freud, tout ce que dit Lacan aussi, c'est des choses qu'ils récupèrent dans les cures, hein, c'est pas des élaborations théoriques qui viennent d'ailleurs, c'est dans les cures qu'ils font ça, et ensuite ils donnent des élaborations. Alors il n'est pas exclu d'ailleurs que beaucoup de choses de la psychanalyse ne peuvent s'appliquer que dans le contexte même de la cure, et à partir du sujet parlant sur le divan. C'est donc du réel, c'est pas de l'expérience, ça. C'est pas des hypothèses, c'est ça qu'on obtient dans la cure. Alors, dans la cure, il obtient le même fantasme, mais un peu modifié, qui est le premier temps du fantasme, selon lui, c'est que mon père bat un enfant que je hais. Et là se passe un moment de confusion pour le sujet, c'est souvent un puits né, là, qui est venu déranger la relation de l'enfant à ses parents, et donc il est ravi de penser que son petit frère ou sa petite sœur prennent des tournées, comme ça, de façon... Et lui, là, il y a une confusion qui se fait, c'est que, du coup, si le père fait ça, il m'envoie le message que moi, je suis aimé. Hein? Donc, premier temps, entendu dans la cure, troisième temps, entendu dans la cure, un enfant est battu. Premier temps qu'on retrouve dans la cure, mon père bat un enfant que je hais, et Freud se dit, mais comment se fait-il? Il manque un truc, il manque une clausule logique pour comprendre le sens, l'intermédiaire entre les deux. Et alors là, il se livre à une construction, et ça c'est très important, la notion de construction, parce qu'il ne s'agit plus d'interprétation, il s'agit de construction, c'est pour ça que le terme de construction du fantasme dans la cure a été très très utilisé en permanence. C'est-à-dire qu'il dit, je suis obligé d'introduire cette clausule qui dit que moi je suis battu par mon père. C'est-à-dire que c'est dans une relation duel de la petite fille avec son père qu'elle se dit, moi je suis battu par mon père, et s'il me bat, c'est la preuve qu'il m'aime. Donc on obtient la succession des trois temps qui permet à Freud d'avancer. Vous voyez le truc? Évidemment, ça va faire bouger le symptôme masturbation, parce que c'est ça le symptôme. Hein. Alors voilà, je voulais simplement avancer ça. Alors juste encore pour reprendre une petite différence qui m'est revenue à l'esprit entre le symptôme et le fantasme. Le symptôme, par exemple, un lapsus, ça peut être désagréable sur le coup, mais ensuite on se livre volontiers à son interprétation et on peut le partager avec d'autres. Tandis que le fantasme, c'est autre chose. C'est-à-dire que le fantasme, c'est quelque chose à quoi on tient. Et on ne veut absolument pas le livre aux autres, parce que c'est absolument honteux pour le sujet. Donc c'est quelque chose qui est radicalement différent, donc, entre le symptôme, duquel on peut jouer dans son interprétation, tandis que le fantasme, on protège à mort son fantasme. Donc par exemple, j'ai l'exemple de quelqu'un qui me raconte que il était à Paris, puis il est parti dans un pays, musulman, où il m'a dit, je me suis trouvé libéré de quelque chose, c'est-à-dire de la sollicitation féminine. C'est-à-dire que voir toutes ces belles femmes à Paris, les affiches de magazines, les trucs, etc. Finalement, j'étais soumis à une telle pression, et là, maintenant, ça va mieux. Mais en fait, ce qu'il dit là, c'est que ce n'est pas le fait, il aime voir les femmes nues, et il ne faut pas confondre. Son fantasme, c'est que l'autre voit qu'il aime voir. C'est-à-dire que c'est le regard. C'est là où il est dans le fantasme. Et c'est ce qu'il ne veut pas livrer, mais qu'il va finir par livrer en analyse. Parce que, au fond, là, il est honteux de cette chose-là. Parce que même si vos fantasmes diurnes, par exemple, si vous rêvez de cette belle femme, ce que vous pourriez lui faire, etc., les femmes, vice-versa, c'est le cas de le dire. Donc, si vous deviez le dire immédiatement, vous seriez extrêmement gêné de dire ça. Par contre, un symptôme, c'est pas pareil. Petit à petit, on s'habitue à justement pouvoir jouer avec son symptôme. Le fantasme, c'est autre chose. Il faut aller le chercher dans la cure, parce que c'est ce qui bloque à un moment, l'analysant met son fantasme, et il faut que ce soit lui qui amène son fantasme. Donc ça, c'est autre chose. C'est un point de fiction jouissant, c'est la fenêtre sur le réel. Voilà, c'est la fenêtre sur le réel qui... Et il a l'impression que tout son être y est là-dedans. C'est pour ça que... Et quelque part, il n'a pas tort. Hein, d'une certaine manière, c'est par cette fenêtre-là qu'il voit le monde. Donc, il y tient beaucoup, voilà. Quitte à vouloir arrêter tout le temps son analyse pour pas arriver à ce point-là, alors que c'est vraiment le point libératoire, à partir de quoi, justement, il peut passer sur un autre plan. Bon, là, je vais faire un petit survol très très rapide, parce que on est obligé d'avancer les choses. À propos de ce fantasme, justement, que Lacan écrit, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez lire ici, S, poinçon, de petit a. Alors, ce petit poinçon qui est là, en fait, c'est simplement l'inscription de, à la fois, le sujet est plus grand que l'objet, et en même temps, il est plus petit, et vice-versa. C'est une formule mathématique qui écrit tout simplement comme ça, hein, c'est écrit. Et c'est, ce petit poinçon, il est la figuration, justement, de ce qu'est la structure quadripartite exigible depuis la découverte de l'inconscient. C'est pour ça que dans les schémas des quatre discours, il faut bien comprendre que chacune de ces formules, c'est une articulation différente du fait des positions des lettres, mais qui est une articulation de la structure quadripartite. Hein ? On ne peut pas parler du sujet tout seul comme ça. Parce que le sujet, au fond, ce n'est qu'un effet du signifiant, ce n'est qu'une coupure, en gros, qui d'ailleurs fait office de réel, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est une coupure. Si on ne parle que de ça, on se trouve effectivement à parler simplement dans la rationalisation de toutes les logiques du sujet, d'un sujet qui est un calcul de pure articulation logique. Mais le fantasme, il a une caractéristique de fixité, parce que justement, ce sujet du signifiant, divisé par le signifiant, il est représenté par un signifiant dans lequel il se fige, donc il disparaît sous ce signifiant, comme la statue de sel, par exemple, pour un autre signifiant qui, justement, ne le représente pas non plus, sous lequel il est en fadigne, autrement dit refoulé, ces fameux sujets de l'inconscient. Hein. Donc on l'attrape jamais, le sujet. Et s'il est simplement livré à la chaîne signifiante, c'est la dérive sans arrêt. Hein. C'est l'accès maniaque, en gros. Hein. Tandis qu'il est lesté par un objet, l'objet petit a, qui représente son être de jouissance, qui a une certaine fixité, et l'objet petit a, il a comme rôle, d'arrimer le sujet au réseau des signifiants. Mmh. Donc, quand les deux fonctionnent, quand le fantasme fonctionne, ça tourne en rond, le sujet répète constamment la même histoire, parce que toutes les histoires se résument à travers simplement un mathème, puisque ça développe des multiplicités de significations avant qu'on trouve la formule logique de départ. Ça tient. Alors, il y a eu un premier temps, je peux le dire comme ça, il y a eu, Lacan a lâché le mot à un moment donné de traversée du fantasme. Tout de suite, les gens se sont emparés, ça y est, il a utilisé ce terme qu'une seule fois. Alors on a tout entendu, hein. À la rame, on traverse comme un lac, enfin, alors que, en fait, la formule, si on la regarde bien, il ne l'a pas exploitée, là, quand la traversée du fantasme, mais il va en dire des choses quand même. C'est que, au fond, c'est simplement le parcours de la structure. Et si le fantasme peut-être figuré par exemple par une bouteille de Klein ou un plan projectif, il suffit de faire une coupure au bon endroit, je l'avais montré l'année dernière, pour séparer ce qu'est le sujet d'un côté et de l'objet. Le sujet, ça sera la bande de Mébus qui le représente, quand on coupe un plan projectif, et la petite rondelle qui tombe, ça serait l'objet petit a. Bien entendu, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais c'est comme ça qu'on l'aborde sur le plan logique. Mais voilà, là où c'est intéressant, je l'ai mis comme ça pour vous le dire, c'est que ce fantasme du sujet, eh ben, dans la névrose, tout spécialement dans la névrose, le fantasme fonctionne, ou plutôt le fantasme pour le névrosé fonctionne comme la pulsion. Il y a donc un combiné dans la névrose entre le fantasme et la pulsion, et l'objet du névrosé n'est pas tellement l'objet petit a qu'il faut dégager, mais bien la demande de l'autre, constamment en train de demander soit à l'autre, soit de l'autre, il faut que l'autre lui demande, et ça dans les cures c'est clair et net, hein. Ben oui. Le sujet vous demande toujours, est-ce que j'avance, ouais, dites-moi que j'avance ou donnez-moi un bilan. Donc Lacan va prendre cette chose-là et va dire que Là, c'est une chose, c'est que le névrosé, son fantasme, fonctionne comme la demande. Alors, comprendre comment la pulsion fonctionne dans le fantasme, ce n'est évidemment pas au niveau de la logique du fantasme, celle que je vous ai développée avec On bat un enfant. C'est dans justement la grammaire du fantasme. Et c'est dans la grammaire du fantasme, c'est les fameux mouvements de la pulsion qu'on repère dans la grammaticalité d'une phrase, voir, être vu, chier, se faire chier, tous ces trucs-là, que Lacan va transformer ultérieurement par la formule de se faire, et pas du tout du côté d'une dialectique du voir être vu. Hein. C'est se faire voir, se faire entendre, se faire chier et se faire sucer. Voilà, les quatre termes. Dans la cure, ce qui est obtenu, c'est que petit à petit, à force de serrer de plus en plus près cette espèce de scénario du fantasme, il va passer à la pulsion, il va devenir la pulsion, le fantasme. Et dans la pulsion, ce qui est obtenu dans une pulsion, c'est une jouissance satisfaisante pour le sujet. C'est un sujet qui se satisfait dans le fantasme. Et on voit comment une jouissance au départ, qui est une jouissance ruineuse, une jouissance incestueuse, ruineuse ou mortifère, devient, par transmutation des choses, une jouissance satisfaisante pour le sujet. Alors, dernier point, c'est très difficile ce que je dis là parce que je le fais en très raccourci, mais c'est aussi entendu par beaucoup de gens, donc je suis obligé de poser les choses et on développera en cours de route. Ce qui se passe dans un premier temps dans le repérage des fins de cure pour Lacan, ce qu'il appelait un terme logique au départ, c'était que justement il y avait une séparation entre le sujet et l'objet petit a. Mais comment ça se passe? Ça se passe parce que, dans un premier temps, dans le discours du maître, le signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant, c'est une institution du sujet. Ça s'institue par l'incidence de la castration. Hein, c'est ça. Mais en fin de cure, il y a une destitution du sujet, justement. C'est-à-dire que il est destitué comme sujet et il ne trouve au bout de la course qu'un truc qui lui manque, le phallus. Pas de phallus. C'est ça la destitution subjective, et lui, ça le fait être. Ça le fait être tellement que ça peut le mettre dans des états dont il a du mal à sortir, parce que ça l'excite, et c'est ça que ça veut dire, il peut être amené à faire des choses et des passages à l'acte et des acting out si c'est pas un petit peu contrôlé, un petit peu encadré dans la cure. Il faut bien faire attention à ça, et quand Lacan utilise le terme de désêtre, ça concerne pas le sujet dans la cure. Ça concerne l'analyste, c'est-à-dire que l'analyste, on n'en a plus besoin et on le jette. Hein, c'est ça que ça veut dire. Le déchet dans la cure, c'est pas le sujet ni l'objet quitta, c'est que celui qui faisait le partenaire, il est éjecté. Ce qui peut se passer dans l'amour d'ailleurs, entre parenthèses, puisque le moyen de la cure, c'est l'amour. Voilà, je voulais situer les choses comme ça, parce que le passage que j'ai expliqué, donc, du fantasme à la pulsion, qui est donc une introduction dans le champ de la jouissance satisfaisante pour le sujet, c'est une façon d'aller rejoindre ce qui était non plus le symptôme comme une signification, mais le symptôme comme une structure nouée à l'inconscient. Hein? C'est ça qui va se jouer dans une cure. C'est là-dessus que ça va se faire la butée, qui est indépassable. La butée, c'est parce que le fantasme, à la différence du symptôme, s'adresse à un autre barré. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de réponse. On ne peut pas répondre. Donc là, ça change. C'est-à-dire que ça, c'est un véritable passage. Si on cherche une passe, là, il y a le passage de la passe, c'est-à-dire prendre en soi et pour soi et tirer toutes les conséquences que l'autre est définitivement barré. Donc voilà le passage du symptôme au fantasme. Et d'ailleurs, le fantasme est tellement sensible que la plupart des analysants s'offrent eux-mêmes à l'analyste plutôt que la parole de vérité qui va leur permettre de dénouer leur propre fantasme, de le traverser. Donc c'est ça qu'on voit aussi dans le Seigneur des Anneaux, le Silence des Agneaux, avec cette ambivalence entre Hannibal Lecter qui demande à manger le fantasme et la jeune héroïne, là, jouée par Jodie Foster. Alors, il y a eu des gens qui, après la disparition de Lacan, se sont emparés de la passe, et pendant 20 ans, ils nous ont fait chier avec cette histoire de traversée du fantasme. Hein. C'est allé très loin, parce que c'est allé tellement loin que tous les auteurs de l'époque qui n'étaient pas dans cette idéologie produite par Jacques-Alain Miller le premier, suivi par Colette Solaire, qui, moi je donne les noms là parce que c'est très important, ça a eu des incidences politiques dans l'histoire du mouvement analytique très graves, tous les gens qui écrivaient en fait autre chose que cette histoire de traversée du fantasme, qui s'interrogeaient justement sur la fin de la cure, quel est le devenir de la structure du sujet, donc cette structure quadripartite qui était dissociée du fait de la cure, qui amenait les gens à une sorte de, à la fin d'une cure, à une passe qui était vécue comme une catastrophe subjective, s'accompagnant éventuellement de délires, donc d'états psychotiques, on peut le dire, et se sont pas privés pour porter des diagnostics comme ça à des gens qui faisaient cette expérience et qui en témoignaient comme ils pouvaient, parce que c'était très difficile d'en parler. C'est des moments où vous êtes sans recours, personne ne vous comprend, mais par contre dans les milieux analytiques, pour vous épingler de ce côté-là, ça y va. Alors là, hein, ça y va, hein. On y va, psychotique, donc chut, à la flotte. Donc si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que Lacan a fait des avancées, parce qu'il n'est pas resté complètement bloqué là-dessus. Dès le départ de son expérience de la passe, il a tout de suite dit que c'était un échec. Tout de suite, en 72, il n'a pas attendu la dissolution de l'école freudienne de Paris en 80, qu'il a fait. Tout de suite, il a dit que c'était un échec. Et tout le monde, bien entendu, et tous ces gens-là, se sont dit, c'est parce que les analystes qui sont dans les jurys sont des nullités. Hein ? Alors que jamais Lacan n'a dit ça, en tout cas pendant toute la période où il a maintenu l'expérience de la passe et où il a envoyé des gens dans la passe. Hein, il a poussé des gens à faire la passe parce qu'il voulait absolument savoir comment on passe de l'analyste à l'analysant. Hein, parce qu'il s'agit, bien entendu, quand le fantasme a été dissocié, bien entendu ça va se recoudre ce truc-là, ça ne dure pas. C'est un temps plus ou moins long, ça peut durer quelques mois, c'est rare que ça dure 2-3 ans, ça peut arriver à certains, c'est arrivé, il peut y avoir des catastrophes importantes, mais enfin, en gros, c'est pas ça, ça se renoue. Le problème, c'est qu'à partir de là, il faut que le sujet fasse un pas supplémentaire. Et le pas supplémentaire, c'est d'accepter d'aller interroger quelque chose que Lacan avance à la grande surprise de beaucoup de monde, de dire qu'il n'y a pas de désir de savoir, c'est l'horreur qui y préside. Alors que quand on parle de ça, les gens disent, mais comment tout le monde veut savoir, d'ailleurs on a... Mais seulement, c'est là qu'il faut faire la dissociation entre ce que Lacan appelle le savoir, qui est une chaîne de signifiants articulés, donc c'est le savoir inconscient, notre seul lot de savoir, il le dit, c'est le seul lot de savoir propre à chacun. Tout le reste, c'est de la connaissance. Alors évidemment, le désir de connaître, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, ils cherchent à savoir, mais le terme, ils se le réservent. Le savoir, c'est du côté de l'inconscient, du sujet de l'inconscient, et la connaissance, et c'est ce que font tous les autres ailleurs, la connaissance, c'est là où on écrit tout le temps le rapport sexuel, alors que justement, dans le savoir inconscient, il n'y a pas de rapport sexuel. Il ne peut pas avoir lieu. Hein ? Alors, Lacan, évidemment, il a fait des avancées là-dessus, qui n'ont jamais été entendus. Il a d'abord dit qu'au fond, ce qu'il s'agissait d'interroger, c'était bien ce qui se passait dans ce mouvement qui est un acte, parce que le passage, l'acte analytique, c'est pas d'interpréter, c'est l'acte analytique, c'est le passage de la position d'analyste, et tout le monde ne le fait pas, ce passage-là, et c'est pas obligatoire de le faire, et Lacan ne disait pas aux gens, tout le monde est obligé de faire la passe, c'était réservé à certains, comme il le disait, qu'il fallait qu'il s'y dévoue. Le passage, le discours analytique et l'acte analytique, c'est le passage, vous voyez que cette flèche est dans ce sens-là, c'est le passage de l'analysant à l'analyste. C'est un acte, ça. Hein. C'est le franchissement du Rubicon, on pourrait dire ça comme ça, qui fait que, après cette affaire-là, vous n'êtes plus le même qu'avant, c'est définitif, et c'est inoubliable, et c'est surtout inouï. Inouï et inédit, même pour celui qui l'a fait, cette passe, et qui, bien entendu, fait qu'il n'est pas entendu de structure par les autres. Il faut donc qu'il y ait un petit peu de fraternité entre les gens quand ils travaillent, sinon ça passe pas. Et Lacan va avancer des choses extrêmement précises vers la fin, toujours les gens n'en ont pas tenu compte, parce qu'il n'est pas resté au graphe du désir, il est passé dans la logique borroméenne. Et il va sortir un truc absolument extraordinaire, qui va dire qu'au fond, la passe, c'est de se reconnaître entre savoir, entre voir, entre soir d'abord, à condition d'y ajouter un ave. C'était en 1977, un ave, c'est-à-dire à la fois un petit salut, mais entre soir, ça veut dire que les gens qui sont dans le truc, ils sont, vous voyez, ils sont un peu dans, ils sont plus dans les, dans la philosophie des lumières, ils sont plus dans la lumière, ils sont un peu dans, il y a un peu d'ombre là-dessus, hein, des choses qu'on ne peut pas vraiment dire, quoi. Donc Lacan, il le dit, on tâtonne. Et si on tâtonne, ça veut dire qu'on tâte, hein, on touche quelque chose, on y va avec son corps d'une certaine façon. On y va avec son réel. Donc, c'était de pointer l'idée que entre soi, donc entre savoir, reconnaître un nœud borroméen dans le noir. Autant vous dire que ça a été oublié pendant très très longtemps, et maintenant, bien sûr, on commence vaguement à s'y approcher. Voilà, c'était ça la grande question, et je voulais simplement l'introduire aujourd'hui, parce que ça aura des suites, quoi. Hein ? On va revenir peut-être un peu en arrière. Oui, c'est le contrepoint donc de télévision, c'est-à-dire c'est la position du saint. C'est un saint. Un saint n'est pas, ne fait pas partie de la hiérarchie ecclésiale. C'est le contraire d'un prêtre, un saint. C'est-à-dire qu'il ne prêche pas justement au nom d'un grand autre. Il est au contraire celui qui est au rebut. C'est-à-dire celui qui, comme dit Lacan, décharite parce que il se tient, après avoir pris vraiment la conséquence pour lui de l'inconsistance du grand autre, il se tient à côté. Donc il n'est plus dans une capacité d'être dans le même espace socio-symbolique de tout le monde. Et ça, c'est la position lacanienne, psychanalytique par excellence, de ceux qui ont effectivement accompli la place, la passe. Donc, là, quand vous lisez les tweets de Jacques-Alain Miller sur Juppé ou Obama, on voit bien qu'il est passé nulle part. Mais parce que c'est du journalisme. C'est du journalisme. C'est-à-dire que c'est impossible de faire du journalisme après. C'est impossible. Radicalement impossible. Puisque vous ne pouvez plus nourrir le système dont vous demandez aux analysants de s'extraire. Parce que c'est là que résident leurs symptômes. C'est-à-dire dans cette croyance au grand autre. On ne peut pas passer les trois quarts de son temps à faire soi-disant l'analyste et le reste de son temps à nourrir le système médiatique. C'est absolument impossible. Voilà. C'est pour ça que Lacan, lui, avec les médias, il était très très clair là-dessus, c'est-à-dire télévision, radiophonie, il donnait une interview et puis il maîtrisait de bout en bout, puis il n'allait pas faire des débats contradictoires et des commentaires sur qui va gagner du FN, du PS, des trucs comme ça. Ça, c'est justement, c'est le grand cirque, c'est ça la réalité, donc le fantasme. Ça, on est en plein fantasme là, et quand on est dans la nourriture de ce fantasme là, on ne peut pas s'en extraire, parce que chaque fois qu'on en parle, on le nourrit. C'est ça qu'il explique très bien. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans ça, que vous commentez, que vous indignez, que vous êtes là, etc., vous nourrissez le fantasme. Voilà, Et vous nourrissez le symptôme. Et vous nourrissez si le vous symptôme. Si vous donnez des significations au symptôme, vous le nourrissez. Ça s'oppose à la psychanalyse qui ne nourrit pas. Radicalement. C'est pour ça que toute la psychanalyse que vous entendez, soi-disant, qui va faire ses interventions, il y en a des psychanalystes qui mettaient le visage de Taubira à la place de leur photo d'identité. Mais c'est tellement débile. On ne peut pas être psychanalyste et s'identifier à Taubira. Ça veut dire qu'on n'a rien compris la psychanalyse. C'est très simple, la psychanalyse. C'est si vous y allez, vous allez jusqu'au bout. Sinon, ce n'est pas la peine. Ou alors, c'est que vous êtes des escrocs, c'est-à-dire vous racontez des trucs pour faire du business. Alors il y en a beaucoup qui font ça, c'est un business comme un autre à peu près. Parce que qu'on vende des armes ou de la connerie, quelle est la différence, hein, au final, que c'est du fantasme. On va le voir tout à l'heure, quand on va parler des trois réponses aux questions de Kant, on va voir comment justement Lacan, lui, il faut bien le prendre comme, il se cantonne à répondre comme analyste. De sa place d'analyste, Hein, il ne répond pas comme n'importe qui, parce que comme n'importe qui au sens où, quand on est dans les autres discours, on est pris dedans aussi, on les entretient d'une certaine façon. Alors il faut être très prudent quand on les conteste, puisque Lacan il dit que quand on conteste quelque chose, on le renforce. Hein. C'est-à-dire que les gens ils veulent bien qu'on leur donne des significations aux choses de la vie comme ça, parce que comme ça ça va les aider à continuer à être dedans et c'est bien, mais ça n'a pas les effets que peut avoir une intervention analytique comme justement une rupture de ça. Donc on va voir éventuellement ne plus mourir, voilà les trois questions. Alors dernier point justement, je voudrais préciser, vous avez vu, je vous ai expliqué que dans l'acte analytique c'est le passage de celui qui était analysant à l'analyste objectita. Alors, attention, l'objectita, il faut bien comprendre que l'analyste, il ne l'incarne pas. Hein. L'analyste, ce n'est pas un déchet. Contrairement, il y a des gens qui pensent que... Il y a des analystes qui pensent qu'ils sont des poubelles, et il y a des gens qui pensent que l'analyste, on peut lui déverser des poubelles sur la tête, puisqu'il il va accepter stoïquement de recevoir des ordures sur la tête. Ça peut arriver, mais ça peut arriver ouais. Grave, ces choses-là. Ça peut arriver. On peut faire le coup de poing de temps en temps. Bon, peu importe. Toujours est-il que c'est un tenant-lieu seulement. C'est un tenant-lieu pour du sang. Il est agent comme tenant-lieu de semblant de cet objet petit a que l'analysant ne connaît pas, mais qui est la cause de son désir. Hein. Il est le tenant-lieu de déchet. Il n'est pas le déchet, vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas le déchet parce qu'il est le tenant-lieu qui va permettre d'interpréter justement le savoir inconscient qui est celui de l'analysant, hein, et il va interpréter au sujet qui est ici son symptôme, les deux trucs. Et bien entendu, lui comme objectita, il est opérant entre les deux, comme ça. Hein, il va jouer ces deux trucs-là. Voilà. Alors. Mais alors. Là, non, on peut. On a mis des choses. Moi, j'ai mis des choses très très pointues parce que ben j'avais besoin de les placer parce que je suis interpellé. Je suis beaucoup interpellé en dehors d'ici parce que forcément, avec tous ces trucs qu'on a finalement, moi, je suis interpellé par mon site et par des messages que je reçois. Et il faut que je réponde petit à petit. Donc, il faut que je montre que je suis le truc et que je ne m'arrête pas à des étapes comme ça fixées. Pour moi je perçois l'enseignement de Lacan comme quelqu'un d'abord qui a enseigné pour former des analystes, donc de son temps le public qui était là, bien sûr ça est devenu public petit à petit, c'était pour former des gens qui voulaient devenir analystes ou qui l'étaient devenus ou qui allaient le devenir. Et bien entendu, petit à petit, ça s'est ouvert à un public. Ce n'est plus comme aujourd'hui, où, en gros, Lacan, on peut le dire, compte tenu de l'influence qu'a son enseignement dans le monde, c'est devenu un objet de culture. Hein. Tout le monde, beaucoup de gens s'en servent. Lacan a prêté la main à ça, puisqu'il a dit que Platon était lacanien et que d'autres ne l'étaient pas, enfin tout ça. Il a aussi tendu des perches pour qu'on aille dans ce sens-là. Mais voyez que Lacan, ce n'était pas un livre de son temps. D'ailleurs, les livres de Lacan, on ne les lit pas, les gens ne les lisent pas, c'est illisible. Il l'a dit lui-même. C'est extrêmement difficile de lire Lacan, justement parce que, à la fois, son enseignant, les séminaires... Ce que vous lisez, ce sont les transcriptions de Miller. Donc, ce sont des livres de Miller, les séminaires. C'est lui qui les écrit, c'est pas Lacan. J'ai dit quoi, là ? C'est Miller. Voilà, c'est ça. C'est Miller qui les écrit. Donc, les éditions du Seuil, ce sont des écrits de Miller. C'est pas les écrits de Lacan. Les écrits de Lacan, il y a ce qu'il y a dans les écrits premiers et dans les autres écrits qu'a recueillis Miller, qui est... Ce sont des écrits de Lacan, il n'y a pas beaucoup de... Ça fait même pas 2000 pages, ça. Alors qu'avec son séminaire, il a fait au moins 15 000 pages d'impression. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut le savoir, ça. Voilà. Bon, qu'est-ce que je... Bon, on va introduire... Alors, on va parler des trois questions, là. On y va ? Mais oui, oui. Tu veux qu'on y aille ? Ben oui. Bon, alors, est-ce que tu peux nous expliquer de façon brève... Quelles sont les comme réponses toi, tu veux dire. Non. Si, si, non, pas parce que sinon on va faire... Comme toi. Non, parce que moi je vais faire bref aussi. Comment Kant répond lui-même aux trois questions, parce que je voudrais comprendre, et je crois avoir compris, pourquoi Lacan dit que sa rationalisation délirante est tamponnée par l'Église. Parce qu'il semblerait que du côté de sa théologie, ça déconne un peu, hein, il semble, chez Kant. Tu n'es pas d'accord, mais moi je le pense. Mais alors, comment il répond lui d'abord à ces trois questions? Moi, je ne sais pas comment il répond à ces trois questions. J'ai noté comment il répond. Tu veux dire Kant? Oui, Kant. Alors vas-y. Non, moi je ne veux pas dire de Kant, je voudrais que tu le dises toi. Moi je veux dire comment Lacan répond. Non, mais moi ça ne m'intéresse pas de dire ça, je ne me place pas sur ce terrain-là. C'est-à-dire, moi je me place sur le terrain où il y a trois vertus théologales. Donc qu'est-ce que ça veut dire théologale? Bon, alors là c'est encore autre chose, les vertus théologales. Les vertus théologales, ce n'est pas les trois questions de Kant. Non, mais il y a trois vertus et il y a trois questions juste après. Peut-être un lien, mais il faut... les trois vertus, c'est quand même traduit par la foi comme étant la foire, oui. L'espérance comme étant l'espéroï, je ne sais pas ce que ça veut dire, la chiaté, machin, oni... Ça veut dire laisser toute espérance, il n'y a pas d'espoir. C'est quand même pas ce que dit l'Église, puisque l'Église, elle nous promet le jugement dernier, et une fois qu'il y aura eu le jugement dernier, on sera tous au paradis. Formidable, non? Pour l'éternité. Donc après, il n'y aura plus besoin d'avoir la foi, puisque tout sera réglé, on ne fera plus de péché, puisque tout nous aura été pardonné, et peut-être même que les gens qui sont allés en enfer pourront peut-être s'en sortir. Il semblerait que oui, mais on ne le sait pas. Donc on comprend pourquoi l'Église, elle tient les sujets, ça donne de l'espoir. Après la mort, il n'y a pas le néant des athées, il y a quelque chose. Donc, comment tu situes les choses? Les trois vertus, toi? Alors, les trois vertus... C'est pas les questions de Kant? Non. Bon, c'est pour ça qu'il faut... Il y a un lien pour Lacan. Oui. Parce qu'il fait foirer l'Église et il fait foirer Kant aussi dans ses réponses. Oui, oui, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire que lui, il connaît très bien Kant. Donc c'est pas le Kant de Wikipédia. Non, oui, il le connaît sur le bout des doigts. Non, mais moi je l'ai lu. Je les ai lus les trucs. Hein. Donc, mais je les connais pas. J'avoue que je les connais pas. Par rapport à la chose en soi de Kant et alors, ce qu'amène Kant dans la révolution du sujet, ce qu'il pointe là, donc c'est le fait qu'il n'arrive pas à passer. Mais c'est déjà Hegel, en radicalisant Kant, il montre que justement Kant ne va pas assez loin. Donc il va radicaliser ça. Mais là, il pointe en Kant le fait qu'il ne passe pas au stade, justement, de l'autre côté où la chose n'est plus substantielle. Donc, qu'est-ce que dit Kant? Comment il répond à ses propres questions? C'est quand même, c'est pas rien. Eh ben, dis-le. Je le sais pas comme toi. Parce que si tu me mènes Hegel, là, je ne peux pas suivre. C'est trop fort pour moi, pour l'instant. Je ne pourrais pas le suivre. Non, mais moi, je ne veux pas répondre à ça. Kant, moi, j'ai les réponses de Kant. Eh ben, dis-les. Vas-y. C'est pas Wikipédia, je te préviens. Hein. Je verrai. C'est des notes que j'ai prises. Hein. Alors, trois questions, c'est que puis-je savoir? Que m'est-il permis d'espérer? Que dois-je faire avant? Et que m'est-il permis d'espérer? Voilà. Alors, si j'ai bien compris, dans la critique de la raison pure, 1881, il fait une analyse en disant que on peut savoir les choses, les phénomènes, on ne peut les approcher que par le biais des phénomènes, du phénoménal, dans l'espace-temps qui est le nôtre, parce qu'il tient compte des lois nouvelles qui l'ont bouleversé, de la gravitation par Newton, hein, et donc ça l'a d'ailleurs bouleversé parce qu'il pensait pouvoir tout réintégrer à son schéma de la subjectivité, mais il y a des lois qui sont en dehors de la subjectivité, comment les réintégrer? Donc il est à mi-chemin, si j'ai bien compris, entre ce que serait cette approche sensible du monde pour le sujet et en même temps à mi-chemin entre ça et l'empirisme. Tout ne dépend pas de l'empirisme, donc il est entre les deux. C'est d'accord, ça, ça, oui, ça, oui, paraît, oui, ça. Oui. Ça, c'est la première façon qu'il a de répondre. Alors, au niveau de que dois-je faire, je vais vite, je suis désolé parce que je ne suis pas assez calé pour ça, il va considérer que malgré toutes ces lois, disons, des lois logiques, en gros, qui doivent avoir un substrat logique, cohérent, il va dire que ce qui domine tout ce que qui domine toute cette avance, toute cette tenue du sujet dans le monde tient dans un impératif catégorique qui est une loi universelle qui doit s'appliquer à tous et en dehors de tout pathos. Tu dois réaliser un devoir parce que tu le peux. Tu peux le faire, donc tu dois le faire. C'est ça. C'est un impératif catégorique qui doit avoir une valeur universelle. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Oui. Je n'ai pas dépassé ça, peut-être que ça a été dépassé. Ça paraît assez... Alors, la caractéristique qui est ennuyeuse, c'est que c'est une loi universelle. Hein? Ça, c'est un gros problème. Et parce que l'éthique, justement, c'est justement là que la psychanalyse introduit quelque chose de nouveau, c'est que ce n'est pas une loi universelle. C'est propre à chacun. C'est l'universel comme singularité. J'apporterai une modulation à d'accord. ça. D'accord. Et le troisième point, alors là, j'avoue que j'ai pataugé tant et plus, j'ai rien compris d'ailleurs, c'est que puis-je espérer, parce qu'il se lance effectivement dans une théologie qui fait qu'en gros, si vous voulez, en gros, il dépasse le cadre même de ce que la religion, en tout cas chrétienne, propose, à savoir que la religion chrétienne, au bout du compte, elle donne un sens au réel. Hein. C'est-à-dire que l'histoire des arts, tout ça a quand même un sens, ça a le sens de la création originaire, au moins par Dieu, et d'une certaine façon, ça maintient le sujet dans le principe dans son fantasme, donc le principe de réalité. Alors que, effectivement, posant ça comme ça, ça tamponne un peu et ça donne une possibilité de vivre, effectivement, dans ce qui est le principe de plaisir, le principe de réalité, donc dans le fantasme. Or, il semble que le raisonnement de Kant, c'est pour ça qu'il est très difficile à saisir, c'est que ça dépasse le cadre du fantasme. Hein, je pense que c'est... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Voilà, je pense qu'il n'arrive pas à dépasser le cadre du fantasme, voilà. Malgré sa tentative, voilà. Parce que voilà. Entre la première partie de la question, entre le phénomène et le noumène, donc il ne peut pas faire autrement que dans le système qu'il a mis en place, dans la logique qu'il déploie, de substantialiser la chose. C'est-à-dire la chose, c'est quelque chose justement de substantiel. C'est Dieu. Oui. Das Ding, c'est ce qui vient masquer, en fait, le trou, c'est le mot qui vient boucher le trou de ce qui repère déjà dans les critiques de la raison pure. Das Ding, si tu es d'accord avec moi, c'est déjà un codage linguistique de la chose. Oui. C'est pas donc de l'ineffable. Il y a déjà un codage linguistique. Oui, voilà. C'est important de le savoir. Tu es hegelien, là. C'est-à-dire que Hegel, là, il va dire déjà ça. Tu vois, regarde, en plus... Connaisseur d'Hegel, il le sait. Non, mais je le dis comme ça. C'est-à-dire qu'à partir moi, de là. J'ai appris de Lacan, mais c'est tout. Oui. À partir de là, Hegel va aller un pas de plus, justement, pour dépasser l'impasse kantienne, qui fait que, effectivement, l'Église ne peut que, comme les kantiens orthodoxes, entre guillemets, déclarer, hein, ça va de Habermas à l'ancien ministre, là, je ne sais plus comment il s'appelle, la Ferry, etc., qui sont dans la lettre même de Kant. Et donc, ils ne peuvent pas dépasser l'horizon kantien de son impasse, parce que la trahison d'un auteur, c'est de rester dans sa lettre. C'est pour ça que Lacan dit « il faut passer par mes signifiants ». Et donc, il faut jouer Kant, contre lui-même. Donc, justement, l'universel, parce que la psychanalyse, elle est universelle, justement. On peut pas. Freud veut que ce soit l'universel, et c'est un universel. Mais c'est le sujet. C'est le sujet, la notion de sujet, qui est le singulier universel. Voilà. Il n'y a pas d'autre universel que le sujet lui-même dans sa singularité. Singularité. Donc voilà où il est le point d'universel. Voilà. Donc évidemment, là, Kant, il se fait épingler, et c'est bien fait pour lui, Et Lacan le fait parfaitement bien, mais en très grande connaissance de cause, parce qu'il connaît très bien, même dans la critique de la raison pure du départ, les antinomies kantiennes dont il va se servir pour les formules de la sexuation, c'est-à-dire ce qui n'est pas justement susceptible d'expérience, comme le cosmos, etc., le pas-tout, tout ça, il va tirer ça de ça. Donc il sait aussi la dette qu'il a vis-à-vis de lui, mais il montre là où s'arrête. Et ensuite, on peut jouer Kant contre lui-même, c'est-à-dire entendre l'inconscient de Kant, pourquoi pas, dans son texte, et voir qu'effectivement, il amène la possibilité ensuite du sujet vu par Hegel, le sujet comme substance, et la possibilité de qu'on a aujourd'hui d'arriver à inclure dans notre propre pratique, dans notre propre vie, parce que sinon ça sert à rien, c'est juste pour blablater et faire des films sur YouTube, on s'en fout. Donc il faut que ça nous serve à quelque chose dans notre propre vie. Et là, effectivement, dans l'enseignement lacanien, c'est quelque chose de très concret, hein, quand vous entendez les gens parler, et vous pouvez... utiliser le terme très important, qui est un impact chez Lacan, qui a utilisé le terme de matérialisme. Oui. Et ça, c'est vachement, c'est très important parce que ce n'est pas que de l'idée. Hein. Ah ben non, sinon on est dans la connaissance, on est dans l'apprend-l'être. Oui, tu dis que là, c'est sérieux. C'est donc, il y a un réel de la jouissance qui est en jeu. C'est-à-dire que le signifiant, justement, Lacan posait la question de comment il agit. Est-ce que c'est parce qu'il délivre du sens, et là, on serait que dans la représentation, et on serait dans un pur idéalisme, ou est-ce que ça touche aussi par le son, par la. Hein? Voilà, c'est là où ça touche au réel. C'est pour ça que ça fait jouissance, parce que c'est une matérialisme, il y a un matérialisme. Et c'est pour ça que Lacan va orienter, va donner comme horizon d'avancée pour l'interprétation analytique du côté de la poésie chinoise. Parce qu'il dit que les poètes chinois, ils ne lisent pas leur texte, ils le chantent. Et c'est que c'est dans les modulations de la voix que le texte prend son sens. Et c'est ce qu'on fait également dans les cures, en jouant de la langue et en jouant du cristal de la langue, qu'on fait apparaître des points clés, des points d'équivoque qui changent radicalement les amarres du sujet à son être et qui donc lui permettent de changer le cours de son histoire. Hein? Au lieu de sombrer toujours dans la répétition d'un truc itératif et mortifère, de s'ouvrir un horizon de désir. Sinon, ça bouge pas. Voilà, c'est ça. Alors, justement, ce que propose, je ne sais pas si je te pose la question, c'est que Lacan propose d'intégrer à l'idéalisme allemand, toi j'ai lu, hein, à l'idéalisme allemand, d'intégrer la notion de fantasme, qui n'existe pas en philosophie. Mais non, hein. C'est là où les philosophes se plantent. C'est important de le noter, que c'est ça qu'il propose comme outil. Oui. Seulement le problème dans les discours, c'est que comment dans ces discours où se situent justement les discours humains, ce qui font liens sociaux, le seul où il y a l'articulation du fantasme, c'est le discours analytique. Et en plus de ça, il va le mettre à mal. Vous hein, voyez. Donc voilà, c'est simplement un point comme ça d'ouverture. Oui. Voilà. Ah ben voilà, c'est pour ça que Lacan, outre de pouvoir être considéré comme entre guillemets anti-philosophe, on peut dire aussi qu'il est celui qui permet à la philosophie de sortir de son impasse en amenant l'objet petit a. Puisque grâce à cet objet petit a, il permet de ne pas dissocier celui qui tient sa propre théorie de sa propre théorie, puisqu'il est obligé de s'inclure là-dedans et d'avoir questionné son propre fantasme. Parce que sinon, ça ne tient pas, la philosophie. C'est toujours c'est comme la science. C'est le fantasme de quelqu'un. Il présente ça comme une objectivité. Voilà. Donc, mais c'est chaque scientifique voit ça par la fenêtre de son fantasme. Et ça peut se lire que rétroactivement, parce que l'analyse... est venu. Voilà, hein? Il y a aussi ça, c'est-à-dire le fait que quand on applique des recettes, en fait, on est dans une logique hypothético-déductive, projective, et donc on ne tient pas compte du fantasme. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais, les recettes. Remarquez, ça ne marche pas. On dit il faut faire ça, chaque fois, faites autre chose, ça ne marche pas. Parce que la parole, comme dit Hegel, la chouette de Minerve s'envole à la nuit tombée. C'est-à-dire qu'on parle à partir de l'expérience qui est passée. et non pas pour anticiper, rationaliser. C'est ça la rationalisation, c'est quand on rationalise, c'est ça l'Église, le truc, ils rationalisent tous les trucs, ils nourrissent de sens, ils blindent de sens, c'est comme les actualités, hein. Ils blindent de sens, tout prend un sens, etc. Le sujet ne peut faire que nourrir son symptôme en nourrissant le symptôme social sans arrêt, comme ça. Voilà, parce qu'il s'agit de s'extraire de là, du sens. Et comme dit Freud, le lion ne se bondit qu'une seule fois, il cite un auteur romain, avant Minerve. Ouais. Bon. Pour te le dire. Alors, un point, ça se noue tout ça quand même, d'une certaine façon, c'est que la question, la butée, vous voyez bien que, puisqu'on est autour de ça aujourd'hui, c'est la question Dieu qui est posée quand même, d'une certaine façon. Hein. Il y a un Dieu à l'horizon, et les pères de l'Église vont débattre justement de la nature trinitaire de Dieu. C'est une clé essentielle, et il a fallu des siècles pour arriver à essayer de s'y retrouver. Alors, il y a deux options, puisque c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une première option qui s'appelle, alors c'est saint Augustin qui développe tout ça, lui, en particulier. Il développe tout ça, c'est qu'il dit que le nouage entre le Père et le Fils, dont résulte éventuellement, dont le Saint-Esprit est également partie prenante, ça se fait par... ça s'appelle par spiration. Moi, j'ai oublié ce terme, c'est trop compliqué, mais par spiration. Ça veut dire qu'au fond, c'est un nouage entre le Père et le Fils qui s'entraîne entre eux, et le Saint-Esprit est là avec eux, et donc les trois dieux, les trois sont les mêmes, hein, sont séparés et identiques. Et puis, saint Thomas remet en question cette histoire-là, parce que ça serait le Dieu constitué, Dieu trinitaire constitué par l'amour en Dieu, en gros. Hein. C'est-à-dire l'amour qui est l'intermédiaire entre le réel et le symbolique, comme on en parle dans la psychanalyse, parce que dans la psychanalyse, on noue les liens du réel et du symbolique par le biais de l'amour de transfert, et donc on défait ce qui s'est noué là, par la parole, dans le transfert qui est l'amour, hein, qui est une mise en jeu de l'amour. Et puis il y a l'autre façon, c'est le nouage entre Dieu, le Père et le Fils se fait par ce qu'il appelle par procession. Voilà. Il y a une par spiration, l'autre par procession. Je les confonds souvent, j'ai du mal à manier ça. Ça veut dire que, au fond, le Père et le Fils ne sont pas noués ensemble, et c'est le Saint-Esprit qui les noue, tous les deux. Donc il y a dans ce registre-là, saint Thomas critique justement saint Augustin là-dessus, parce qu'il dit que c'est pas possible, parce que si c'était ça, c'est pas possible d'accepter ça. Ça veut dire qu'il y aurait un lien hiérarchique entre chacun des dieux. Donc c'est un débat qui n'a pas été clos, on peut dire, qui est difficile à cerner, il serait très difficile à cerner, mais pour situer la chose, c'est que finalement, Lacan ne fait pas, donc il étudie le texte de Trinitat, de saint Augustin, il finit par dire qu'il ne s'agit pas du dieu borroméen pour Lacan. C'est l'homme qui est incomposé, il appelle la Trinité infernale, c'est lui qui est un composé trinitaire. Et le composé trinitaire, ce n'est plus tout à fait le sujet du signifiant. Il y a une identification à la fin de l'enseignement de Lacan entre le sujet du signifiant, qui est le même que celui de l'individu, et ça c'est un lien qui n'est pas facile à comprendre, parce que il semblerait que ce soit le même, et en même temps c'est pas tout à fait le même, mais à ce moment-là, on ne parle plus du sujet du pur signifiant, on parle du sujet qui a un corps, un nom propre, une histoire et une jouissance spécifique, donc dans sa singularité absolue. Et c'est sur ce sujet-là que la psychanalyse opère. Elle n'opère pas simplement sur le sujet du signifiant, même si c'est ça l'impact. Pourquoi ? Parce que dans l'interprétation, bien sûr, elle vise l'être signifiant du sujet, donc elle joue des équivoques de la langue du côté du signifiant, ça c'est calculable à peu près. Hein. On peut, dans le discours de l'analysant, viser un point, c'est un calcul qu'on peut faire, décider à un moment donné d'intervenir pour opérer une coupure par équivoque, mais il y a quelque chose qui est incalculable, c'est du côté de la jouissance. On ne sait pas à l'avance qu'est-ce que ça va procurer comme jouissance pour le sujet. Parce qu'il fait un gain de jouissance, mais il peut faire aussi une profusion de jouissance, et des fois, pour sortir de là, ça peut durer un certain temps. C'est-à-dire que vous pouvez ébranler un sujet dans sa cure, de telle sorte que vous le faites vaciller, ça peut durer un certain temps, parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas encore pu cerner, mais qu'il a bien entendu, il va vous le ramener. Si vous vous trompez, formellement, c'est pas bien grave, parce que le sujet, il le rejettera. Mais si c'est quelque chose qui touche à son être de jouissance, là, ça ne va pas être la même chose. Donc, il faut être très prudent. Quoi, hein. C'est pour ça que l'interprétation dans l'analyse, ce n'est pas un commentaire de texte. D'ailleurs, c'est un texte très particulier, parce qu'on lit ce qui s'écrit de la parole de l'analysant, lequel, d'ailleurs, apprend à lire autrement ces mots d'esprit, ces symptômes, ces lapsus, c'est tout le reste, ces rêves, mais en même temps, c'est pas une lecture sur le papier. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pas facile à piger, ça non plus. Hein. Voilà. Alors, bon, j'ai dit tout ça, on peut le reprendre et continuer. Bon, on va peut-être pas s'attarder. C'est-à-dire que peut-être qu'on va aller trop loin. Ah oui, ça fait quand même. Bon, on va s'arrêter. Alors, juste avant, parce que je voulais quand même dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on peut dire réel, imaginaire, symbolique. Donc, le Fils, c'est l'imaginaire, puisque c'est la spectacularisation de la mort du Dieu. Le réel, lui, est inaccessible et irreprésentable. Ce qui meurt sur la croix, pour Hegel notamment, ce n'est pas le représentant de Dieu, mais le Dieu de l'au-delà lui-même. Et quand le Christ se réincarne, la réincarnation, ce n'est pas dans un autre corps, c'est dans le Saint-Esprit. C'est ça le symbolique. C'est le Saint-Esprit, c'est la communauté de ceux qui ont partagé l'expérience de la mort du Dieu et donc de la possibilité de créer une nouvelle collectivité à partir de là. C'est d'ailleurs à partir de là que le christianisme lui-même, dans ses premiers fondements, possède une puissance politique telle que par infiltration et par le dessous va renverser tout l'Empire romain quand même. C'est pas rien, c'est tellement sous-estimé. Mais la puissance du Verbe dans l'acception qui était celle des chrétiens, les premiers chrétiens, ça avait une dimension politique énorme qui n'a plus aucun rapport avec les petits signifiants qui sont en cours aujourd'hui. On peut plus accéder à ces choses-là. Et ce qui tient ensemble, bien sûr, c'est comme dans un œuvre roméen, l'objet petit a, le sujet. L'objet petit a qui tient les trois cercles et le sujet qui correspond à cet objet petit a. C'est-à-dire, tu es d'accord avec... Il y a un truc sur lequel il faut insister, c'est que le Christ sur la croix, ce n'est pas une représentation de non, Dieu, c'est Dieu. Voilà, c'est et quand Dieu. Il fait le mystère de l'Eucharistie, c'est pareil. L'Eucharistie et le vin, ce ne sont pas des représentations du corps du Christ, ni de son sang. C'est vraiment, c'est sacré, c'est comme ça. Hein. C'est un mystère. C'est un mystère. Et donc, la religion convoque la foi. Et la foi... C'est un consentement à ça, c'est même une dimension d'effusion. Il y a quelque chose de mystique dans cette affaire-là. On a la foi, on est engagé en Dieu, ce n'est pas tout à fait du registre de la croyance. Non. La croyance est supposée que. Hein. Et puis il n'y a pas d'instrumentalisation. Ce n'est pas une supposition que l'Eucharistie c'est Dieu, ça l'est. Voilà, c'est les deux nuances. Bon, la foi et la croyance peuvent effectivement cohabiter, mais ce n'est pas les mêmes registres concernant le sujet. Tu es d'accord c'est avec ça? C'est ça, oui, exactement. On s'arrête là. Hein. Voilà, on s'arrête là. On termine là-dessus parce que la religion catholique, c'est pour ça qu'elle est nommée la vraie religion. Elle est la vraie religion parce qu'elle le dit, elle parle de la je suis la voie, la vérité, tout ça, ce que dit le Christ sur la croix. Hein, c'est ça qui est important. Mmh. C'est la vraie religion parce que ça le dit, elle touche à la vérité. C'est là où la vérité touche au réel de la mort, qui est spectacularisée, la mort du Dieu lui-même. Voilà. à propos de vérité. Hein ? À propos de vérité. Est-ce que la Trinité serait une projection de ce que Lacan a repéré comme étant la structure borroméenne du sujet humain ? Alors, c'est à partir de ce que vous dites. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tu l'as repris, je ne sais pas tout à l'heure. Moi, j'ai insisté pour dire que c'est Dieu n'est pas un Dieu borroméen. C'est-à-dire que ce n'est pas démontré, en tout cas par les pères de l'Église. Il joue entre les deux, hein, entre en Dieu et par lui. Hein. Mais par exemple, Lacan va donner la suite. Vous avez, je l'ai déjà dit ici et je vais les reprendre. Il va dire que maintenant on est en présence dans notre monde actuel en face de trois discours. On a affaire au discours de la science, et le discours de la science consiste à symboliser les images qu'elle se donne du réel. Hein ? C'est-à-dire que les gens qui font les expériences dans le cyclotron, ils visualisent avec des appareils l'impact de deux corpuscules, et ça leur permet de découvrir le boson de Higgs que le type avait déjà calculé 50 ans à l'avance. Pendant 50 ans, on lui a craché dessus, mais il a tenu le coup, et un jour, on lui a démontré que c'était ça. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que la science symbolise des images, donc l'IRM, c'est pareil, du réel qu'elle aborde. Hein. Donc, c'est un fantasme. Donc, c'est un fantasme, effectivement. C'est pour ça que Lacan peut dire que c'est un fantasme. C'est un fantasme, et que la science est arrivé à un point tel que tout le réel de la science est passé dans le symbolique. C'est pour ça qu'il dit que c'est un fantasme. Alors ça, c'est un discours de la science. S-I-R, c'est donc un nouage borroméen de ce type-là. Symbolique, imaginaire, réel. La religion, par un tournage lévogire, elle fait R-S-I. C'est-à-dire qu'elle réalise, on peut le dire dans la figure du Christ, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réel. Elle réalise ce qui est du symbolique, c'est-à-dire ce qui est véhiculé par le Saint-Esprit, la parole, on peut le dire comme ça, le symbolique, symbolise l'imaginaire de Dieu, hein, de ce qu'on peut imaginer de Dieu. C'est un autre type de nouage, mais c'est un nouage borroméen. Et la psychanalyse, troisième discours, elle fait autre chose. L'analyse, elle invente, c'est pour ça qu'il y a des hypothèses. L'hypothèse du sujet supposé savoir, par exemple, est-ce que c'est une hypothèse qui se vérifie comme réelle ? C'est bien réel que l'inconscient, il est réel. Ce n'est pas simplement une élucubration de l'esprit. Et ça ne dépend pas d'une expérience. Ça dépend d'une pratique qui n'est jamais une expérience, parce qu'il n'y a pas d'expérience dans la psychanalyse. C'est à chaque fois différent, il n'y a pas d'expérience. Et donc, il n'y a pas de psychanalystes qui ont de la bouteille, ou quand ils disent qu'ils ont de la bouteille, il ne faut pas aller les voir parce qu'ils deviennent très dangereux. Parce qu'ils vont vous mettre dans leur cadre, et ça va, il vaut mieux aller voir des plus jeunes analystes qui sont plus ouverts à des flous de leurs propres fantasmes et de leurs impasses que les vieux qui sont bien cadrés. Bon, donc elle imagine ce qui du réel peut se symboliser. Et ces trois discours sont liés ensemble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la science, elle invente des bouts de réel. La bombe atomique, par exemple, ou bien les lois du cosmos et tous ces trucs-là, un réel qui est de plus en plus lourd à porter pour nous. Et la religion, elle suit le truc de très près parce qu'elle donne du sens à ça. Donc elle tamponne un peu les effets, mais en même temps, si elle donne du sens, elle prête à transformer les découvertes de la science en fabrication divine, d'une certaine façon. C'est pour ça que les gens trouvent, par exemple, tout à fait naturel les prélèvements d'organes chez les... Maintenant, on ne va plus vous demander votre avis, ou il va falloir que vous mettiez un dossier. Vous ne voulez pas qu'on touche votre corps après votre mort. Il va falloir... Tous les trucs qui paraissent naturels et qui ne sont pas du tout naturels, qui sont induits par le discours de la science. Et alors, que fait la psychanalyse entre les deux ? Elle est tributaire du réel que produit la science, ne serait-ce que par ses articulations logiques, un certain réel, mais elle, elle loge les bouts de réel qu'elle découvre, et en particulier l'inconscient, à une autre place que le réel de la science, mais elle doit tenir compte du réel de la science. Et elle en tient tellement compte que depuis Descartes, justement, à l'avènement de la science moderne, où le sujet est fort clos, c'est ce sujet qui va devenir le sujet de la psychanalyse. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre eux, et que Freud n'aurait pas découvert la psychanalyse s'il n'y avait pas eu la montée de la science à son époque. Sinon, on n'a pas découvert la science avant, parce que la psychanalyse avant, parce que le savoir scientifique, il avait encore des attaches mythiques et donc des attaches subjectives, en gros. Hein? Et puis le troisième, et donc elle est prise entre ça et elle est prise entre le sens que la religion donne aux découvertes de la science, et la psychanalyse, elle opère justement par le non-sens, justement, pour libérer le sujet de ses liens à la religion, pas au sens religieux, parce que le sens religieux, c'est autre chose que la religion. C'est la religion qui dénature le côté religieux de l'homme, qui a besoin d'imaginer des choses comme ça. Et donc elle est prise entre les deux, et Lacan il dit un truc un peu bizarre, il dit faut faire un peu attention, parce que on peut pas canarder la religion tout le temps comme ça gratuitement. Il faut aussi que la psychanalyse, elle a besoin d'avoir un espace de respiration entre les trois. Et c'est quand même assez curieux qu'à Rome il tire à boulet rouge là sur la religion, on peut dire, quand il pointe la foire. Tu peux espérer, laisse tomber l'espérance, et puis archi raté, quoi. Il est contre la charité chrétienne. Il va dire ça à Rome quand même, alors que la veille il était allé visiter les fouilles de Saint-Pierre pour aller voir la tombe de Saint-Pierre quand même, hein, avec Dolto qui était très très religieuse, hein, à sa façon. Voilà. Peut-être arrêter et poursuivre les questions hors caméra, parce que là on est déjà plus d'une heure et demie.